ton tequila, retire tes guibolons, on veut, fais ta journée. J'écoute la brosse sous tequila. Avant le cap, faut se déguiser. Tu n'as pas ta terre, appelle tes grands, personne passera dessus. Elle a deux airs, en 7 mois le raffut. Elle a capté que je buzz, alors je capte la flûte. Et demi, c'est chiant, elles font toutes 20 ans. Pec, pec, dème, ensuite je marque le but. Replay du match, elle retire son fut. Grip comme chic, faut que je la baisse, sale pute. Non, je déconne, c'est tous des hell bang. Toutes ces syllabes, je débite, après je débute. Force à ceux qui soutiennent depuis le début. FB, 3-4, tout est carré, les faux frais, les putes. Moi, je m'en suis vite séparé. 4-4, blick, stop, rentre dans le bail. C'est comme d'habitude, tu guettes mal, tu te fais coucher. C'est comme d'habitude, tu guettes mal, tu te fais coucher. Ravitaille monnaie, ravitaille chi. Ramène du bétail, getter, get. C'est tous les jours le même détail. Ah tous les jours, ouais. Tous les jours le même bétail. Ah c'est ah tous les jours le même détail. Ah tous les jours, tous les jours le même bétail. Ah c'est ah tous les jours le même détail. Ah tous les jours, tous les jours le même bétail. Je fais que deux zones le soir et là je souris. Pousse, il ramène tes copines, tes cousines. Viens dans ma cité, y'a pas de soucis. Tout mes gars font du cash, tu peux le peser. Hey. Produit, produit caché. Je suis pas ton crush rock. Crachat, ramène du cash dans la caisse, on va le chercher. Ramène tes potes, on les stoppe comme un chichi. Hey. Onga, onga, onga, onga, ouais. Débite le produit, évite par tous les débats. Passe-moi les clés que le bolide, je démarre. Reptile sur tes côtes, c'est bien cassé la démarche. Hey. Hey. Ma boba, tu retires camisole, on t'attrape si tu dois reprendre le capital. Elle a deux airs si t'as capté ça. Si toi t'es vraiment bon, je peux te casser le cul. Hey. Tout est parti sous le bas, sous le bas. Coup de cale, descente. Hey. De temps poursuite cale. Hey. Menotte, que fait cage. De l'espèce, on ravitaille même banlieue 13. Pète, pète tout ton pète. Je suis venu, j'ai vu, je vais pas baisser ma culotte. Ramène des grands, j'ai pas peur, j'ai du culot. Personne pourra frapper mon équipe d'enculé. J'écoute la pointe, tu sous tequila. Avant le cas, faut se déguiser. Tu viens parler, mais toi tequila. Retire tes guibolons, on refait ta journée. J'écoute la pointe, tu sous tequila. Avant le cas, faut se déguiser. Tu viens parler, mais toi tequila. Retire tes guibolons, on refait.